avec ma plume me positionne, son sang se glace. Hélas, qui s'abreuve toujours de l'inconscience humaine pour parvenir à ses fins. Je nourris du vice, exploite les faiblesses au moindre recoin. Sous diverses formes, il manipule les hommes, subdivise à sa guise, épaulé par la bêtise, engendré par cette soif de pouvoir qui siège en chacun. Tout le monde veut le contrôle, résultat de nombreux défunts. Facture salée, espoir écorché, certains devraient faire preuve, d'après moi, d'un peu plus de lucidité. Diriger reste une lourde responsabilité, mais la priorité devrait toujours être à l'égalité. Chaque jour que je fais, je me demande bien pourquoi les hommes entre eux ne cessent-ils pas de se combattre comme chien et chat. Alors qu'une autre tombe fleurira, d'autres bombes tomberont, de nombreuses familles consternées pleureront leur rejeton. Résolument défenseur d'une nation qui au fond investira beaucoup plus de pognon, disons, dans l'armement que dans l'éducation. Chaque jour que je fais, je me demande, n'ont-ils pas perdu la raison? Soit de liberté et besoin surtout de sensations, et non pas qu'on nous presse en presse face à l'adversité. Pour éviter de lever mon glaive, ma voix s'élève pour que celle-ci t'apaise, reste bien à l'aise. Watch out, watch out, they Babylon a fall. They never know themselves till they walk against the wall. Watch out, watch out, they man them start leave. If they want to win them off sin, we sing shit. Watch out, watch out, they Babylon a fall. They never know themselves till they walk against the wall. Watch out, watch out, they man them start leave. If they want to win them off sin, we sing shit. On nous parle d'amour, de liberté, d'égalité, fraternité, aux actualités, mais où est la réalité? On nous balance les images d'un monde qu'on veut tous rêver, mais où est le pognon pour se procurer? On nous parle de compression sans cesse, d'augmentation, d'inflation, sous pression. Certains ont pété les plombs, disons. Ils n'ont plus la notion de ce qui est mauvais ou bon. Ils font trois petits tours et puis s'en vont. De nos jours, on ne peut plus avoir confiance en personne. Aime ta personne, c'est tout ce qui compte, voilà où nous en sommes. Chacun cherche son chat et s'enterre chez soi. J'aimerais savoir où tout cela nous mènera. Le 666 n'est-il pas le chiffre du malin? Alors vite, vite, vite, il faudrait prendre les choses en main. Les hostilités sont enclenchées depuis la nuit des temps. Ceux qui parlent trop, eux ne vivent jamais très très longtemps. Bien souvent la vérité revient aux détenteurs de pièces, qui s'en sert pour endormir la masse derrière son masque. Lassé de voir la situation tourner en rond, d'appréhender un avenir atroce pour tous ces nourrissons. Le son me sert d'armure pour briser ce mur d'un silence malsain qui se transforme en dédain. Pris entre les serres du système, j'ai beau me débattre, les pensées ne suffisent plus, il faut absolument des actes. Watch out, watch out, they Babylon a fall. So they never know themselves till they walk against the wall. Watch out, watch out, they man them a live. If them off you win them off you sin, we sing to. Watch out, watch out, they Babylon a fall. So they never know themselves till they walk against the wall. Watch out, watch out, they man them a live. If them off you win them off you sin, we sing to. Me check say you know but you be letting say. Oh, me standing not to some reality. Some guys the one is, yes, I live a fantasy. And them a chop out them cream on some little jewelry too. They better cool, say they can feed themselves. Nobody put them well in front of them health. Cause Babylon release some change up on the youth them brains. That's why we tell them, look towards the stars and see who you are. Some little punk DJ, yes, you're gone too far. The fist of the West, me and me damn SLR. And in a film, me heart so lost, say I know they far. I told me love me guns up, I say next door to God. We sight some little boy and I'm a me get mammy up it. Kill them dead, yes, before them spread. And I'm a me grandpa door like people can say. Watch out, watch out, they Babylon a fall. So they never know themselves till they back against the wall. Watch out, watch out, they man them a leave. If they want to win them off a sin, we sing to. Watch out, watch out, they Babylon a fall. So they never know themselves till they back against the wall. Watch out, watch out, they man them a leave. If them off, we win them off, listen, we sing to. Watch out, watch out.